Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons encore le chapitre 9 et nous allons regarder la nouvelle alliance en comparaison de l'ancienne alliance. Notre Père du ciel, béni sois-tu parce que tu nous conduis à travers les Écritures et nous comprenons à quel point ta parole, elle est unique, elle est parfaite. Combien des millénaires avant, tu nous avais montré par le temple, les sacrifices, les sacrificateurs, que tout cela était là juste pour un temps et que Jésus-Christ viendrait, lui, accomplir la vérité qui était démontrée par le temple. C'est pour ça que ton Fils nous a dit: je n'ai pas aboli la loi, mais je l'ai accomplie. Guide-nous encore une fois et fais-nous voir d'une façon encore plus grande que jamais la grandeur de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de résumer un petit peu encore une fois. Chapitre 7, Jésus, un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, préfiguré par le prêtre souverain sacrificateur Melchisédek quand il a rencontré Abraham, et annoncé par David dans le psaume 110, quand il dit l'Éternel, ou le Seigneur a dit à mon Seigneur, je le jure, tu seras sacrificateur ou souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Prophétie faite par David, par Dieu, à travers David, il va venir un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et l'auteur a démontré que Jésus était ce sacrificateur-là. Au chapitre 8, il nous a dit que ce souverain sacrificateur nouveau va amener une nouvelle alliance. Aaron, avec la loi, Moïse, le temple, c'était une ancienne alliance. Il y a eu une nouvelle alliance prophétisée par Dieu à travers Jérémie, chapitre 31-32, à ce coin-là. Il prophétise une nouvelle alliance. Il dit l'ancienne alliance préfigurait la venue d'une nouvelle alliance. Et il a dit dans chapitre 8, il dit avec un blâme que Dieu dit, vous n'avez pas gardé l'ancienne alliance. Je vais faire une nouvelle alliance qui va être de loin meilleure, plus grande, plus excellente. Et ça va être la dernière alliance, elle va être parfaite. Et on a vu que Dieu avait écrit dans le cœur et dans l'esprit ses lois, ses principes, ses préceptes dans le nouveau peuple qu'il va attirer sous la nouvelle alliance. L'auteur, au chapitre 9, va aller un peu plus loin et va comparer les deux alliances, l'ancienne alliance. On a vu hier, l'ancienne alliance se perpétuait, si je peux dire ainsi, dans un temple terrestre, avec des ordonnances terrestres, et ça se passait dans le tabernacle. Tabernacle, petite partie du temple, divisée en deux, le lieu saint, où les sacrificateurs entrent tout le temps. Deuxième partie, lieu très saint, là où la présence de Dieu est manifestée par l'âge de l'Alliance. Et on a vu que dans ce lieu-là, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur seulement entre une fois par année avec du sang pour lui et sa famille et du sang pour le peuple, afin de faire expiation des péchés le jour de la fête de l'expiation. L'auteur nous dit, dans le verset 8 à 10, le Saint-Esprit monte ainsi, par ce fonctionnement-là, que le peuple de Dieu est séparé de son Dieu. Vous aviez l'arche de l'Alliance ici, le peuple est ici, il ne peut jamais venir dans la présence de Dieu. Ça prend un médiateur, le souverain sacrificateur, qui prend le sang, qui rentre dans la présence de Dieu. Lui-même n'a pas le droit d'entrer, mais par la grâce de Dieu, il peut rentrer avec du sang pour faire l'expiation de ses propres péchés avec ceux de sa famille, en versant du sang sur le propitiatoire qu'on a vu hier, qui était le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et après qu'il a eu fait ça, il prend du sang et il va offrir du sang pour faire l'expiation des péchés du peuple. Tout ceci est un symbole. Il dit, c'est ainsi que l'Esprit nous fait comprendre que l'être humain, le peuple d'Israël et tous les êtres humains par ce fait, ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et c'est impossible. Si le prêtre ou le grand prêtre rentrait là, ou n'importe qui d'autre pourrait rentrer là, il mourrait instantanément. Il devait rentrer avec du sang et suivre tout un protocole, toute une façon de fonctionner afin que le grand prêtre ne tombe pas mort dans la présence de Dieu. Mais il dit, tout ceci démontrait que les sacrifices offerts par les souverains sacrificateurs ne pourraient jamais rendre les gens parfaits. Si le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, n'était pas venu, on serait encore là en train d'offrir des sacrifices annuels qui ne pouvaient jamais rendre parfaits, donc jamais me rendre capable d'entrer dans la présence de Dieu pour le servir. Résumé. Là, maintenant, on va voir à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mais, au verset 11, mais il y a quelque chose de mieux. Mais il est arrivé quelque chose. Mais, au verset 10, jusqu'à une époque de réformation. Mais, Christ a emmené cette période de réformation. Ce changement a lieu avec Christ. Christ est venu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Souverain sacrificateur des biens à venir. Nouveau ciel, nouvelle terre. C'est lui qui va nous rendre capables d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre avec Dieu spirituellement maintenant et pour toujours dans les lieux, dans les nouveaux cieux et nouvelle terre. Comme hier, on parlait de place, de sacrifice et de protocole, de façon de faire les choses. Maintenant, Christ, lui, est sacrificateur, non pas dans un sanctuaire terrestre, non pas dans un tabernacle terrestre, non pas dans un temple terrestre, mais il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. S'il n'est pas de cette création, ça veut dire qu'il est en dehors de tout ce qui a été créé dans la présence de Dieu. Lui, il n'a pas été dans le tabernacle, il n'a pas traversé le lieu saint, il n'a pas traversé le premier voile et le deuxième voile pour entrer dans la place où était l'arche de l'Alliance, qui était la symbole de la présence de Dieu, mais lui est allé dans le vrai tabernacle. Plus grand, plus parfait, qui n'a pas été construit par des hommes, mais qui a été construit par Dieu, qui est la présence de Dieu. Je ne crois pas que Dieu, un jour, a construit un sanctuaire pour lui-même. Mais tout ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire ici, c'est que Jésus est allé dans la présence de Dieu, comme le grand prêtre rentrait symboliquement dans la présence de Dieu, qui était l'arche de l'Alliance, Jésus est entré, lui, dans la vraie présence de Dieu, dans les lieux très, très hauts, dans la présence parfaite, réelle de Dieu. Et au verset 12, il dit, il y est entré une fois pour toutes. Les souverains sacrificateurs devaient rentrer chaque année. Ils ont fait ça pendant des millénaires. Mais lui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Donc, il est rentré dans ce lieu très saint, ça c'était la place. Maintenant, il rentre avec un sacrifice. Non avec le sang des boucs et des veaux, comme faisait le grand prêtre pour lui, sa famille et le peuple, mais lui, il va rentrer avec une autre sorte de sacrifice. Il va rentrer avec son propre sang. C'est lui le sacrifice. C'est lui le sacrifice d'expiation. C'est lui le sacrifice propitiatoire, comme on dit dans Romains. Quelle grande différence, quelle surprise, je pourrais dire, pour le peuple d'Israël. Il dit une fois, une seule fois, il est entré dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Une seule fois, il est entré avec son propre sang. Sacrifice totalement nouveau, totalement parfait, aussi parfait que lui, d'une valeur infinie en comparaison avec des boucs et des veaux. Et il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Un rachat pour nous. Il a payé de son sang. Il n'a pas répandu sur le propitiatoire du sang de veau et de bouc, mais il a répandu sur le propitiatoire, symboliquement, son propre sang. Donc, c'est comme si j'image, là, je fais une image, Jésus serait monté après sa résurrection, on pourrait dire, ou après sa mort, il a monté dans le ciel, dans la présence de Dieu, avec son propre sang, et il a offert à Dieu ce sacrifice parfait de lui-même pour le rachat du peuple de Dieu, pour racheter, pour la rédemption éternelle. Le rachat. Il a payé, parce que le mot rédemption éternelle, c'est un terme d'esclavage, il a payé. Il a payé, parce que le mot racheter, rachat, rédemption, c'est tout pareil. On paye un prix, quelque chose. Donc, il a payé une rédemption, il a payé un prix à Dieu pour le rachat du peuple de Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple de Dieu. Et ça, il l'a fait une fois, il dit. Il est rentré une fois dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il a fait un sacrifice, son propre sang, sa propre mort à la croix. Et ça l'a fait le rachat, un rachat éternel, une rédemption éternelle. Pas des centaines de milliers de brebis tuées chaque année, mais une fois. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, la brebis de Dieu. Il a été offert en sacrifice une fois. Et le rachat a été parfait, éternel, complet. Et c'est pour ça que l'auteur dit, au verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. » Donc, c'est la façon, hein, si vous allez voir dans l'Ancien Testament, si vous lisez le livre d'Exode, Nombre, Deutéronome, vous allez voir qu'il y avait toutes sortes d'ordonnances terrestres pour purifier physiquement, corporellement, symboliquement, les personnes. Soit du sang de taureau, de bouc, la cendre d'une vache répandue, donc on faisait brûler une vache totalement, un holocauste, on prenait la cendre, on la mélangeait avec de l'eau, et ça purifiait, ça l'enlevait la souillure, symboliquement. Ceux qui le faisaient étaient purs, et pouvaient entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu saint. Tout cela symboliquement. Si le sang d'animaux pouvait purifier extérieurement, encore beaucoup plus au verset 14, combien plus le sang du Christ, ou le sang de Christ, le sang du Messie, le sang de Jésus, le sang du Seigneur, le sang de notre Dieu, fait chair, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il s'est offert par l'Esprit éternel. Il y a différentes façons de le comprendre. Tous les animaux qui ont été offerts en sacrifice pendant des millénaires, jamais un de ces animaux-là n'a offert sa vie volontairement. Il n'y a pas une brebis qui s'est levée, je dis, OK, prenez-moi, je suis prêt à mourir pour lui, là. Il n'y a pas un bouc, il n'y a pas un taureau, il n'y a pas une vache qui s'est offert personnellement, librement, pour mourir pour quelqu'un. Si on lui avait demandé l'idée, ça a tout parti en courant, dans le package ou dans le pré pour aller manger. Mais ici, ce que l'auteur est en train de dire, à la différence de tous ces animaux offerts, lui, il l'a fait volontairement par un esprit éternel. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire. Volontairement, lui-même, il s'est offert de tout temps, avant la fondation du monde, Christ était déjà destiné à être l'agneau de Dieu. De tout temps, Christ était d'accord avec le fait de venir mourir sur la croix pour nous. Il s'est offert lui-même. Et dans le Nouveau Testament, je vous dis, c'est plusieurs fois que les auteurs disent, il s'est offert lui-même. C'était important qu'on n'a pas fait mourir malgré lui. Il voulait mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit, personne ne m'enlève ma vie, je l'offre de moi-même. Et sans tâche à Dieu. Un sacrifice parfait, sans aucune impureté, sans aucun péché. Et un tel sacrifice, qu'est-ce que ça fait? Ça purifie votre confiance des œuvres mortes. Ça nous rend purs. Et comme dans l'Ancienne Alliance, ça ne rendait pas pur par rapport à la conscience, au contraire, Jésus, ça nous purifie pour toujours. Nous savons consciemment, intellectuellement, dans notre cœur, dans notre esprit, nous savons que nous sommes purs et acceptables aux yeux de Dieu à cause du sacrifice qui a été fait par Jésus-Christ. Et à cause de cela, on peut entrer dans la présence de Dieu et servir le Dieu vivant. Frères et sœurs, le but de ma purification, c'est de servir Dieu. Ce n'est pas d'aller m'asseoir au ciel puis que Dieu va me servir pour l'éternité. Ce n'était pas, « Ah, François, je vais te purifier de tous tes péchés et finalement, je vais t'emmener dans une belle place, le ciel, et là, tu vas être tellement bien puis je vais m'occuper de toi. » Non, le but de la purification, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu sans un prêtre. Sans un prêtre. Je peux maintenant rentrer dans le lieu très saint moi-même. C'est pour ça que le voile a été déchiré et le peuple de Dieu maintenant peut entrer dans la présence de Dieu et adorer son Dieu. Le prêtre, notre nouveau prêtre, notre nouveau sacrificateur, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Christ Jésus, notre Seigneur, il est entré une fois, il a fait un sacrifice parfait, il s'est assis à la droite de Dieu sur le trône, à la droite du trône de Dieu, et maintenant, il a fini son rôle de sacrificateur. Et nous, maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, adorer, servir, glorifier notre Dieu pour l'éternité. Est-ce que c'est pas mieux, ça? C'est des milliards fois mieux que l'ancienne alliance. Et l'auteur est en train de dire, pourquoi vous voulez retourner à l'ancienne? Si vous retournez à l'ancienne, vous privez d'être dans la présence de Dieu. Vous ne pourrez même pas vous présenter devant Dieu pour l'aimer, le servir, l'adorer. Ça va vous prendre encore des prêtres. La nouvelle alliance, elle vous purifie parfaitement. Et vous avez accès à Dieu pour le servir. Notre bon Père du ciel, merci. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour ce sacrificateur parfait. Merci pour ce sacrifice parfait, pour ce sang parfait, sans tache, qui m'a purifié une fois pour toutes, afin que je puisse entrer en ta présence et te servir, mon Dieu. Servir à jamais. Amen.